Bonjour madame, vous désirez ? Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci ? Je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout ? Non, je voudrais aussi un peu de persil.